yambala oyo na kusange la komona. Dieu aime nous entendre parler comme ça. Je sais pas quelle est ta situation, c'est lié aux études, lié à je sais pas dans quelle situation que tu es. Des situations présentes, difficiles. Ou même tu sens que bientôt ça risque de devenir sombre et bizarre. Ou même que tu es aussi en train de passer des temps de joie. Mais je vois qu'ensemble, en levant notre main droite, que nous puissions dire à Dieu, cette fois-ci, je ne vais plus me plaindre. Mes enfants sont devenus têtus, j'arrive même plus à les maîtriser. Je me plains chaque jour. Je parle comme une radio, tellement que je vais les maîtriser. Je ne sais plus quoi faire, mais cette fois-ci, je louerai ton nom. Est-ce qu'on peut tous lever nos mains droites et prier dans cette situation? Élevons nos voix et prions. Seigneur, oui. Nous le décidons. Je m'entends dans nos voix s'élever et parler au Seigneur. Oh, tu connais de quelle situation il s'agit. Cet homme a dit, Judas, je t'appellerai Judas cette fois-ci. Car cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Judas, Judas. Oyembonangaya sikae. Yambala oyo na décidé. Na kolela. Isusute. Jida, Jida. Mwana na boti ya sikae. Attitude na décidé. Na kozwa ka chaque matin. Na bisika na lela. Na bisika na ganga. Bisika pi joli etanga na deside nanga yambala oyo ya na kosa jola kombo na yo yambala oyo ya na kosa jola kombo na yo. C'est facile à chanter, déclarons yambala oyo na kosa jola kombo na yo yambala oyo. Est-ce que tu peux les déclarer plus fort avec nous? Et si na mesana, si mayandoto, na ebini ne koko melanga. Na comme habitué au malheur, ce qui patron a gangi, na ebi sans mazagoya. Chaque mois à la même heure, malade en raison de kaka, atanasi na bonelo. Ma belle famille, ce qui va être, na ebi lamentation et kotika la si malanga. Na meki na end. Na ken Afrique du Sud, papa, na moni na nous se bisote. Na bisika na lela, bisika pi joleta. Na zui décision ya sika, na tato la e. Ya mala oyo ya, na posa jola, komo la yo. Ya mala oyo ya, na posa jola, komo la yo. Le diable n'osera plus m'intimider. Je change d'attitude pour monter en altitude. Na mesana ba nenyon sakademike kostianga na pas. Soki ba bimisulista ma insolvable na yebi toujours. Na zalaka na kati. Na sengi noko, na sengi tantine. Tout le monde m'oublie. Soki ba lobi licenciement, remaniement. Comme on en guerre à ta cate. Nasi na se plan na tini ba reku na komi ba led na sengi ba connection ba tana jika moka na decide le lo na change attitude na yekoli ba komo nyon so ba demon na brise na déchiré na calciné na consumé na chassé na délogé kasi yambala oto yaya na kosa jola kongona yambala oto yaya na kosa jola. Est-ce que l'assemblée seulement peut chanter ça très fort? Encore une fois, comme une confession. Je te vois déjà en train de louer Dieu cette fois-ci. Encore une fois. Je déclare que le temps de tes larmes est terminé. Je déclare que Dieu met un cantique nouveau sur tes lèvres. Chante-le. Cette fois-ci, tu loueras l'Éternel de toutes tes forces. Yambala, oh, ya, ya. Akosa jola, kombo na ya. Amen.